Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Romans 5, please. Romains 5. Amen. On va lire maintenant Romains 5. Romans 5. Romains 5. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 5. We go from, let me see where to start from 11. Let's go from 11. Romans 5 from 11. Romans 5 from FSF. Romans 5, verset 11. Amen. Remember sin. We inherited sin. Et euch daran, ihr habt die Sünde geerbt. Rappelez-vous qu'on a hérité le péché. Amen. Two, can you help us to read 11 and 12? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Praise the Lord. Amen. Can you continue, Schatz, to 15? Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Lord wants us to know. You know, Christianity today, they see law as the word of God. Das Christentum sieht das Gesetz als das Wort Gottes an. Le christianisme voit la loi comme la parole de l'Éternel, considère la loi comme la parole de l'Éternel. It is true that is the word of God. Es stimmt, c'est das Wort Gottes. Oui, c'est vrai que c'est la parole de l'Éternel. It is true it was once the word of God. Es stimmt, es war einst das Wort Gottes. Oui, c'est vrai, c'était une fois la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Change came because of man. Die Veränderung kam wegen dem Menschen. Le changement est venu à travers l'être humain. God never planned any change. Gott hat keine Veränderung geplant. Jésus, Dieu n'a jamais planifié un changement. It's like when he created Lucifer. He never planned any change. Als er Lucifer erschaffen hat, hat er keine Veränderung geplant. Quand il avait choisi Lucifer, il n'avait pas planifié, créé Lucifer. Voilà, pardon. Quand il avait créé Lucifer, il n'avait pas planifié un changement. Amen. Amen. You know Lucifer. How many of you know Lucifer? If I can Lucifer. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. When he created Lucifer. I don't want to know him. You only know Christ. At this point. Yeah, we know him as a liar. As liar. Praise the Lord. Amen. Hey. Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord for the payment. Wir danken dem Herrn für die Bezahlung. On remercie l'Éternel pour le paiement. Amen. If not, no one can be saved. Sonst kann niemand errettet sein. Sinon, il y a personne qui peut être sauvé. We inherited sin. Wir haben die Sünde geerbt. On a hérité le péché. From verse 11, let us read, please. Verset 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now receive the atonement. That is the payment. Mm. He paid the price. Bien plus, nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, on a obtenu à travers lui la réconciliation. Il a tout payé maintenant. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We want to see, we want to look into and see that, yes, the word of the law is the word of God. Das Gesetz ist das Wort Gottes. La loi, c'est la, la parole de l'Éternel. But no longer. Aber nicht mehr. Mais pas toujours. Amen. Pas, plus maintenant, voilà. Maintenant, ce n'est plus la même, le cas. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and died by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Praise the Lord. Donc, are you getting it? Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. He said, "You are not a sinner by what you do." Wir sind keine Sünder mehr durch das, was wir tun. You are born a sinner. Wir sind Sünder geboren. Donc Romains 5 verset 12 nous dit ici que nous ne sommes pas des pécheurs à travers ce qu'on fait. On est déjà des pécheurs parce que on l'a hérité. Amen. Do you see that? Amen. Here is telling us that sin, man, inherited sin. Es hier sagt uns, dass der Mensch die Sünde vererbt hat. C'est ce qu'il veut nous dire ici que le, l'être humain a hérité vraiment le péché. Verse 37, for until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Without law, there is no sin. Ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Donc, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de la loi. Donc, sans la loi, il n'y a pas de péché. Without law, you never violate anything. Ja, weil ohne Gesetz gibt es, ohne Gebot gibt es sozusagen kein Vergehen. Mm. Donc, s'il n'y a pas de la loi, il n'y a aussi rien où tu dois... exactement. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas moyen de, viol, De violer, violer la, la loi. Voilà. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14. It says, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Verse 15. But not as the offense, so also is the free gift. Praise the Lord. Hallelujah. The offense. Das Vergehen, die Übertretung und die Gnadengabe. Mais il n'est pas du bon gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, tous les hommes ont été, sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le bon se sont par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, abondamment répandu sur tous les hommes. Praise the Lord. Hallelujah. Offense. The offense made us to turn away from God. The free gift helped us to turn to Him. To return to Him. Amen. Die Übertretung hat dafür gesorgt, dass wir dem Herrn den Rücken sozusagen kehren und zu ihm abwenden. Aber die Gnadengabe hat dafür gesorgt, dass wir uns ihm zuwenden. Donc cette désobéissance qui a eu là, ça nous a, ça a fait de sorte qu'on puisse tourner le dos à l'Éternel. Mais à travers la grâce, on s'est vraiment réconcilié avec l'Éternel. Amen. Amen. For if through the offense of one man, of one, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If Christ, if Adam disobedient can make everyone to become a sinner. Can make you to become a sinner. Mm-hmm. Christ's grace is greater than Adam disobedience. Mm-hmm. Amen. Wenn die Übertretung von Adam dafür sorgt, dass wir alle zu Sündern werden, generationsweise, wie viel mehr, umso wie viel größer ist die Gnadengabe von Jesus Christus. Amen. Amen. Kurz. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Quelle est la figure de celle qui devait venir? Donc, ça signifie que si la transgression d'Abraham a vraiment maudit toute l'humanité, qui a été qui a donné à toute l'humanité, combien de plus maintenant la grâce de l'Éternel, de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, est encore plus valable, plus puissant maintenant pour nous aujourd'hui. Le salut est personnel. If Adam sin can pollute everything in your life, Christ's grace should be able to even repair more than everything. Die Gnade von Christus Jesus alles wiederherstellen können. Donc si le seul péché de Adam était capable à polluer tout le monde, toute l'humanité, ça signifie que la grâce de l'Éternel est encore capable, et encore plus de Jésus, la grâce de Jésus-Christ est encore capable à tout réparer, encore 100 fois de plus. Amen. Amen. If Adam's disobedience can make everybody to be sinners, Christ's grace is more than able to make everyone to be righteous, Amen. To be sons. Wenn dir von Adam alle zu Sündern macht, dann kann die Gnadengabe von Christus Jesus auch alle zu gerechten Söhnen Gottes machen. Aber wie viele Leute akzeptieren diese Gerechtigkeit, diese Rechtfertigung durch Christus, diese Sohnschaft von Christus Jesus? Donc si la désobéissance de Adam a pollué tout le monde, ça signifie que la grâce, encore une fois, la grâce de l'Éternel Jésus-Christ peut aussi sauver toute l'humanité. Mais combien de personnes sont capables à accepter cette justice? Praise the Lord. Please read the rest for as your homework. Amen. Because of time, we will not go through all. Amen. Praise the Lord. Donc, lisez le reste à la maison. Amen. We are born holy. Wir sind heilig geboren. Nous sommes nés vraiment saints. We are born righteous. Gerecht. Nous sommes nés vraiment justes. Amen. Ephesians 4:17-24. Ephesians 4:17. So you should remember your new garment. Sie sollen unser neues Gewand erinnern. Il dit qu'on va le lire ensemble. Praise the Lord. Ephesians 4. Ephesians 4 from verse 17. Ephesians 4. This I say therefore and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Praise the Lord. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne vous conduisez plus comme les païens qui suivent la vanité de leurs pensées. Amen. You can't be in the same job, doing the same job like that. With your mind. Mm-hmm. Are you getting it? You can't what they think and what you think should never be the same. Yeah. Amen. You think of heaven. Amen. Where you belong, they are full of fear. Mm-hmm. You should not be full of fear like that. Mm-hmm. Du kannst die gleiche Arbeit verrichten wie sie, aber denke nicht so wie sie. Sie denken über die Welt nach, über das weltliche System, und du denkst über Christus Jesus nach. Sei voll vom Himmel. Donc tu dois vraiment être plein de ton royaume. Vous pouvez même faire le même travail, mais eux sont en train de penser à leurs choses qui sont en vain, leurs choses vanité, leurs pensées vanité. Mais toi, tu dois avoir dans tes pensées seulement le royaume des cieux, par exemple, malgré vous faisiez la même chose. Remember the Bible said, okay, shut. Remember the Bible said you are here but not of here. Bible sagt, ihr seid hier, aber nicht von hier. Rappelez-vous que la Bible dit que vous êtes ici mais pas d'ici. Verse 18. It says having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of blindness of their heart. Praise the Lord. Yeah. They are blind in ihrem Herzen. Verset 18 dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie et sont éloignés de la vie de Dieu, car l'ignorance est l'aveuglement de leur cœur. Donc ils sont vraiment aveuglés. Verset 19. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to walk all unrighteousness and greediness. But ye have not so learned Christ. Verse 21. If so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put on concerning the former conversation, verse 22 again, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust. Corrupt. The old man is corrupt. Der alte Mensch, the old you, ist verdorben. Donc verset 22 nous fait voir aussi que le vieil homme est corrompu. Don't go to the old you. Geh nicht mehr zu deinem alten selbst. Et c'est pour cela ne rentre pas à ton, oui, ton vieil homme. Amen. Don't go back to your vomit. Geh nicht mehr zurück zu deinem Erbrochenen. Ne rentre pas dans ta vomi. Are you getting it? And in verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. And as you put on the new man, which after God is created. Amen. Mm-hmm. Created. You are created. You are now being created in righteousness and true holiness. Du bist jetzt in Gerechtigkeit und Heiligkeit erschaffen. Amen. Amen. Donc, verset 24, et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. Donc, tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't learn to be holy. Wir lernen nicht heilig zu sein oder gerecht zu sein. We are created. Wir sind erschaffen. Donc nous, on n'apprend pas à être saint. On est créé. We are created holy. We are created righteous. Wir sind heilig und gerecht erschaffen. Donc on n'apprend pas à être juste ou bien saint. Nous, on est créé saint et juste. Praise the Lord. Hallelujah. Remember your new garment. Erinnert euch an euer neues Gewand. Donc oui, rappelle-toi de ta nouvelle personne. Amen. Amen. The old has been given to Jesus. Das alte wurde Jesus übergeben. L'ancien a été donné à Jésus. You now have his own. Wir haben jetzt sein eigenes. Maintenant tu as le sien. That you put on. Was wir anhaben. Yes. C'est qu'on a. It's a put on the new man. Wir sollen den neuen Menschen anziehen. On doit vraiment se revêtir du nouvel homme. The difference between the kingdom of heaven and the Christianity are this law and grace. Der Unterschied zwischen dem Christentum und dem Königreich des Himmels ist Gnade und Gesetz. La différence entre le christianisme et le royaume des cieux, c'est vraiment la loi et la grâce. Moses' law is no longer in control. Das Gesetz von Moses ist nicht mehr in Kontrolle. La loi de Moïse n'est plus au contrôle. But they refuse to let it go. Aber sie weigern sich, es loszulassen. Mais eux, ils sont en train, les gens sont en train de, oui, ils refusent de laisser la loi de Moïse partir derrière eux. Amen. S'en aller. The difficulty, the problem they are having today, the Christians, is based on this law and grace. Das Problem, was die Christen haben, basiert auf Gnade und Gesetz. La problème que le christianisme a, les chrétiens ont, c'est vraiment la loi et la grâce. Amen. Amen. They don't want to believe. Are we getting it? Mm. And accept that it's over with the old. Sie wollen nicht glauben, akzeptieren, dass es vorbei ist mit dem Alten. Ils ne veulent pas croire et accepter que l'ancien est déjà passé. Exactly like the Pharisees. Genauso wie die Pharisäer. Totalement comme les Pharisiens. Amen. They know Jesus came. Jesus kommt. Jésus-Christ est venu. And they see him as the new. Und sie sehen ihn als das Neue. Et ils ont vu Jésus-Christ comme le nouveau. He want to take the old away. Er will das Alte wegnehmen. Mais lui, il veut enlever l'ancien. They said they will never allow him. Aber sie sagen, dass sie es niemals zulassen. Mais eux, ils ont dit à Jésus, ils vont jamais l'autoriser à laisser l'ancien. The problems of the Christians today is based on this law. And grace. Das Problem der Christen heute ist, dass es basiert auf Gnade und Gesetz. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est basé sur la loi et la grâce. They still believe and obey the old commandments. Sie glauben und befolgen das alte Gebot, die Gesetze von Mose. Donc eux, ils croient et ils suivent toujours la loi de Moïse. Amen. They still call the laws of Moses the word of God. Sie nennen immer noch die Gesetze von Mose das Wort Gottes. Though it's the word of God. Auch wenn es das Wort Gottes ist. Ils appellent toujours la parole de Moïse la parole, les commandements de Moïse la parole de Dieu. Malgré ce n'est plus la parole de Dieu. We are not saying it's not the word of God, but it has been fulfilled. Wir sagen nicht, dass es nicht mehr das Wort Gottes ist, aber es wurde erfüllt. On ne dit pas que ça ne vient pas, la parole de Moïse ne vient pas de Dieu. On dit que ça a déjà été accompli. Amen. It's like if I can just did the arrow and what do you call it? West Germany and East Germany. Amen. You know, there was a time there was this old and West Germany and East Germany. And so, you know, for some people to now say they are still old Germany, but still want to believe that. That's what the Christians are doing today. That made that, and without the Holy Spirit is helpless. Und genauso wie auch Leute immer, also genauso wie man sich verwundern würde, wenn Menschen immer noch daran glauben würden, dass Deutschland in West- und Ostdeutschland getrennt sind und immer noch nach dieser Mentalität reden, sprechen, denken, handeln würden, dann würde man sich denken, okay, ist die Person, wie alt ist die Person oder ist sie irgendwie hängen geblieben oder ne, wieso weiß die Person nicht, dass wir auch raus aus dieser Zeit sind, das ist, dass das Vergangenheit ist. Genauso ist es auch mit den Christen, die immer noch nach dem alten Gesetz leben, nach Mose leben, anstatt nach Christus Jesus. Tout comme dans l'Allemagne avec la DDR par exemple, on peut voir que les gens qui étaient, quand l'Allemagne était divisée, les gens étaient encore en train de souffrir. Et si maintenant, aujourd'hui, il y a toujours une personne qui est en train de vivre selon avec la pensée de la DDR, tout le monde saura que la personne, elle est vieille ou bien elle a un problème ou bien la personne est toujours... Parce que là, on va constater que la personne est encore dans le temps de la DDR. Donc, ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, cette loi de la DDR a déjà été accomplie. Maintenant, on a la nouvelle... L'Allemagne est unie. Donc, on va se poser des questions. C'est le même problème que les chrétiens ont aujourd'hui. Ils sont toujours encore dans l'ancien malgré nous sommes dans le présent. They don't know that it's true, there was that period. There was that period. And now it's another period. Amen. There was the period of the Father, the Son, then the period of the Holy Spirit. Es gab diese Zeit, aber diese Zeit ist jetzt vergangen. Es ist eine neue Zeit, genauso wie es die Zeit des Vaters gibt, die Zeit des Sohnes und jetzt die Zeit des Heiligen Geistes. Donc c'était une fois, il fut une fois, il y avait une fois un temps où c'était vraiment important, mais maintenant que l'Éternel Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, c'est maintenant le passé, maintenant nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Mais les gens, les chrétiens sont toujours en train de vivre selon le période du Père. Donc il y avait eu le période du Père, du Fils, et maintenant c'est dans le période du Saint-Esprit. Les gens sont dans le période du Saint-Esprit, mais sont en train de se comporter comme dans le période du Père. C'est pas normal. Amen. You know, when Jesus was here physically with the Jews, you can see, you know, he said to them, the period of the Father is no longer now. Now is not the period of the Son. It's the period of the Father is over. And now the period of the Son. And this time now, the period of the Holy Spirit. And people, and the Jews, you can see that they refuse to say no to the period of the prophet, the law and the prophet. The period of the Father, per se. And now also, the Christians, they are refusing and rejecting to say no to the period of the Father, the period of the Son. And now we are in the period of the Holy Spirit. Die Juden weigern sich, die Zeit des Vaters loszulassen und nicht daran weiterhin gefangen zu sein, gedanklich sozusagen und geistlich auch sozusagen auch. Und die Christen, sie weigern sich auch aus dieser Zeit des Vaters und des Sohnes rauszukommen und zu akzeptieren, dass wir jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes sind und den Heiligen Geist endlich anzunehmen. Et tout comme les Juifs, eux sont en train de refuser, de laisser, d'accepter que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. C'est tout comme aussi, non, ils sont toujours restés dans cette captivité. Tout comme, c'est comme ça, c'est de la même manière, les chrétiens aujourd'hui sont toujours attrapés dans cette captivité parce qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et pour continuer leur vie dans la grâce et avec l'Éternel. Et ils sont toujours attrapés avec les vieilles pensées de la loi, en fait. Praise the Lord. Amen. Comme les pharisiens ont jamais voulu lâcher le temps du Père, les gens religieux aujourd'hui sont toujours dans la période du Père et du Fils, or qu'on est maintenant dans la période du Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. They cannot know what Christ called revelation. Sie können nicht wissen, was Christus Jesus Offenbarung nennt. Ils ne peuvent pas comprendre ce que l'Éternel appelle révélation. Because they refuse to humble themselves before Denn him. Sie weigern sich, sich vor ihm zu demütigen. Parce que eux, ils refusent de se soumettre à l'Éternel. They still see Moses' word as God's word. Sie sehen immer noch das Wort von Mose als das Wort von Christus. Ils voient toujours la parole de Moïse comme la parole du Christ. Amen. Yes, it was once God's word. Und es war einst Gottes Wort. Oui, c'était une fois la parole de l'Éternel. And it is still God's word. Und es ist immer noch Gottes Wort. Et c'est toujours la parole de l'Éternel. It is no longer God's word. Aber es ist nicht mehr Gottes Wort. Mais c'est plus la parole de l'Éternel. Because it has been fulfilled. Denn es wurde erfüllt. Parce que ça, l'Éternel, Jésus-Christ l'a déjà accompli. It means it is no longer made for us. Es ist nicht mehr für uns gemacht. Ça signifie que ce n'est plus fait pour nous. It's made for the sinners. Es wurde für die Sünder gemacht, nicht für uns. Donc ça signifie que la grâce maintenant maintenant que Jésus-Christ l'a accompli, la loi n'est plus pour nous, elle est pour maintenant pour les pécheurs. It is not made for us to obey. At this period. Nicht gemacht, damit wir es erfüllen. Of the Holy Spirit. In dieser Zeit des Heiligen Geistes. Donc elle n'est pas faite pour nous pour l'obéir parce que nous sommes dans le période du Saint-Esprit. We only obey Christ's word. Wir befolgen nur das Wort von Christus. Nous, par contre, on suit seulement la parole du Christ. Amen. Praise the Lord. Alleluia. We quickly go through a few things and then we close. Amen. Amen. In John 3 verse 13. Johannes 3, Vers 13. Jean 3, verset 13. Praise the Lord. Alleluia. Jesus says there are earthly things and there are heavenly things. Jesus sagt, es gibt irdische Dinge und himmlische Dinge. Jésus-Christ dit qu'il y a des choses terrestres et il y a aussi des choses célestes. He said things are either earthly or heavenly. Die Dinge sind entweder irdisch oder himmlisch. Chaque chose sont terrestres ou célestes. John 3, verset 13. John 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Praise the Lord. And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven. Oh, sorry. It's not there. Verse 12, it's verse 12. Jean 3, verset 12. Amen, verse 12, please. He said, if I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses qui sont de la terre, comment croyez-vous si je viens à vous parler de celles qui sont du ciel, dans le ciel? Amen. Amen. It means things are either earthly or heavenly. Things are either earthly or heavenly. Les choses sont alors terrestres ou célestes. Amen. Amen. In Revelation, Jesus also talked about earthly and things of heaven. He said, rejoice you heaven. Amen. Woe unto the inhabitants of the earth. And they also, that's the Revelation 12:12. Rejoice you heaven. Offenbarung 12:12 sagt er, freut euch ihr Himmel. Même aussi à Apocalypse 12:12, il dit aussi de se réjouir, nous les cieux. Il nous appelle les cieux. Réjouissez-vous les cieux. John 8, please. 23. Go to John 8:23. On va lire Jean 8. John 8:23. Johannes 8:23. Jean 8, 23. And he said unto them, you are from beneath, I am from above. You are from this world, I am not of this world. Praise the Lord. Donc, Jean 8, verset 23, il dit que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. He said, you are either from above or you are beneath. Entweder von oben oder von unten. Donc, où vous êtes ici, d'en bas ou d'en haut? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said there is no number three. Er sagt, es gibt keine dritte Option. Donc, il n'y a pas de numéro 5. Numéro 3. And he said it to them that he is not of this world. Er hat ihnen gesagt, er ist nicht von dieser Welt. Il a dit qu'il n'est pas de ce monde. Praise the Lord. Amen. Amen. He said he is not of this world. Er sagt, er ist nicht von dieser Welt. Il a dit qu'il n'est pas de ce monde. As a German citizen, for example, we travel to Nigeria. Du wirst zum Beispiel als deutsche Staatsbürger nach Nigeria reisen. Étant un citoyen allemand, quand on part par exemple en Allemagne. No, you are in Nigeria, but that does not mean you are a citizen of Nigeria. Auch wenn du in Nigeria bist, heißt es nicht, dass du ein Bürger von Nigeria bist. Même si tu es en Nigeria, ça signifie pas que tu es un citoyen du Nigeria. Go to John 3, verse 31, please. Johannes 3, 21. Jean 3. John 3:21. Jean 3, 31. John 3. 31. Jean 3, 31. He that cometh from above is above all. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from above is above all. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand. Donc il dit ici, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui Amen. Qui est de la terre est terrestre et son langage aussi. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Amen. Amen. Amen. In John 17:16. Johannes 17, vers 16. Jean 17, verset 16. Jesus was talking to his own here. Jesus hat zu seinen eigenen gesprochen. Et Jésus-Christ parlait à ses siens, ses propres. Jean 17, verset 16. John 17, verset 16. 16. He said, they are not of this world. Mm. Even as I am not of the world. Mm. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. He is talking to his own here. Il spricht hier zu seinen eigenen. Ici, il parle de ses propres. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, comme moi-même. Je ne suis pas du monde. Amen. Amen. We are not of the earth. We are not of this world. Wir sind nicht von der Welt. Wir sind nicht von dieser. Wir gehören nicht zu dieser Erde. Donc, on n'appartient pas à ce monde. And verse 18, look at verse 18. 18. Verse 18. He said, thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Mm. You can see everything is based on him. Alles basiert auf ihm allein. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Allow it to be grace, please. Lass zu das Gnade. Donc tu dois vouloir que, tu dois vouloir que la grâce te conduit. Amen. Amen. You are either sent by Christ or you are sent by somebody. Du bist entweder von Christus gesandt oder von jemand anderem gesandt. C'est ou c'est le Christ qui t'envoie ou c'est quelque chose d'autre qui t'envoie. Look at it. He did not say he sent everyone. Hat gesagt, dass er jeden gesandt hat oder alle von uns gesandt hat. Donc tu peux voir que il n'a pas dit que il a envoyé tout le monde. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Amen. Amen. He said he did not send everybody. Go to verse 9. Verse 9 of this very chapter. And see that it's not talking about it's not all of us. Et on va voir que ce qu'il dit ici c'est pas seulement pour les, c'est seulement valable pour les siens et pas pour tout le monde. Felix, can you help us to read? What's this? Verse 9. Johannes 17, gleiche Kapitel, Vers 9. I pray, please listen, please. I pray for them. I pray not for the world. Praise the Lord. Mm-hmm. But for them which thou hast given me. For they are mine. Mm-hmm. It's not for everybody. Nicht für jeden. It's only for those that belong to him. Nur für die, die zu ihm gehören. Are you getting it? Praise the Lord. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux qui vous m'avez donné, parce qu'ils sont à vous. Amen. Again, in verse 18. Verset 18. Of that same chapter. Du même chapitre. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And then verse 20. Verset 20. Look at verse 20, please. Amen. Amen. Neither pray I for this alone. You know, in verse 9, he said that he prayed for the disciples. In verse 9, it's where he said for the Jünger gebetet hat. I pray for them. I pray not for the world. I'm reading verse 9 again. Amen. Verse 9. But for them which thou hast given me, for they are mine. Then verse 20. Spanish. Verse 7. He said, neither pray I for this alone. Mm. You see that? Mm. Amen. Amen. But for them also, we shall believe on me through their words. Praise the Lord. Verse 20, il dit que je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi. Praise the Lord. Amen. The prayer is also for us. Das Gebet ist auch noch für uns. Donc la prière c'est aussi pour nous. It is the fall of man that brought different periods. Es ist der Sündenfall, der verschiedene Zeiten gebracht hat, Zeitspannen gebracht hat. Et c'est la chute de l'homme qui a emmené ces périodes différentes. God did not create different periods. He did not plan to have different periods. Gott hat nicht geplant verschiedene Zeitabschnitte zu haben. Dieu n'a pas planifié d'avoir des périodes différentes. Amen. Mm. And as a result of the fall of man, heaven started reacting to man. Mm. Aber als ein Ergebnis durch reacting to the earth, reacting to man. Aber als ein Ergebnis des Sündenfalles musste der Himmel auf das reagieren, was hier auf Erden passiert. Mais comme le résultat de la chute de l'homme, le royaume des cieux, le ciel a aussi commencé aussi à réagir sur l'action de l'être humain. You know where we are going to very soon. Amen. Amen. Everything heaven supposed to be good. Alles himmlische sollte gut sein. Tout ce qui était céleste devrait être bien. Jesus talks about two bread from heaven. Jesus spricht über zwei Brot aus dem Himmel. Jésus-Christ lui-même aussi il parle concernant deux pains qui viennent du royaume des cieux. He said, one give life, the other not. Ein schenkt Leben, das andere nicht. Johannes 6. Il dit que un de ces pains est en train de ça te donne de la vie et l'autre, oui, ça ne te donne pas la vie. On va lire Jean. Amen. For those this message, this part that we are going through now should be to help those that are still under the law to get out. Dieser Teil sollte den Leuten, die immer noch im Gesetz gefangen sind oder immer noch sich davon verführen lassen, da rauszukommen aus dieser Gefangenschaft. Et c'est que je suis en train de dire maintenant, cette partie, ça doit aider aux gens qui sont encore dans la captivité d'y sortir en fait. John 6 from verse 48. Johannes 6, Vers 48 bis 50. Jean 6, verset 48. I am the bread of life, said Jesus. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which came down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Praise the Lord. Amen. In verse 30, please. Let's go to verse 30. From verse 30 to 35. 30 à 35. They said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou walk? Verse 31. Our father did eat manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. Verse 32. 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven. Jesus now said that bread came from heaven. Jesus, dieses Brot kam aus dem Himmel. Jésus les a dit que ce pain là, ça venait du royaume des cieux. Now Jesus said he is the bread from heaven. Jésus dit que lui, il est le pain du royaume des cieux. And the bread they ate in the wilderness, you know, and Jesus said it came from heaven also. Jesus sagt, das Brot, was sie aber in der Wildnis gegessen haben, die Kinder Israels, das war auch aus dem Himmel. Zwei Brote aus dem Himmel. Mais il dit aussi que le pain que eux ils ont mangé dans le royaume des dans au désert, ça venait aussi du royaume des cieux. Donc lui et même le pain de la du désert, tous les deux viennent d'en haut. We know that law is from heaven. Wissen, dass das Gesetz vom Himmel ist. On sait que la loi somebody vient d'en haut, du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Grace is also from heaven. Die Gnade ist auch aus dem Himmel. Malgré la grâce, ça vient aussi d'en haut. Amen. Amen. Verse 32 again. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Praise the Lord. Amen. The true bread of God. Gottes. Donc, le vrai pain de l'éternel. Amen. Amen. Look at this, verse 32. Verse 32, he said, but my Father giveth you the true bread. Mm-hmm. The true. Das wahrhaftige Brot. Two bread from heaven. One is the true. Mm. And the other is not. Zwei Brote aus dem Himmel. Eins das wahrhaftige und das andere nicht. Donc Jean 6, verset 32. L'Éternel nous explique ici qu'il y a deux pains qui viennent du royaume des cieux. Mais lui, il est le vrai pain. Malgré tous les deux viennent du royaume des cieux. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Praise the Lord. He said that bread was from God and not from Moses. Dieses Brot war von Gott und nicht von Jesus. Donc on voit que ce pain là. Donc ce pain là, ça venait de Dieu, mais ça venait de Moïse. He said it was from heaven and not from the earth. Es war vom Himmel und nicht von der Erde. Donc ce pain là, ça venait de Moïse. Amen. De Dieu, pas de Moïse. Ce pain-là, ça venait de Dieu. Pas de Moïse. Pas de Moïse. Though it is from heaven, but there's no life in it. Auch wenn es vom Himmel ist, ist dort drin kein Leben. Mais malgré ça vient de Dieu, ça n'a pas de la vie en soi. Look at it in verse 49. Verset 49. Amen. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. They ate it, though they are from, are you getting it? Though that bread was from heaven, what they ate is from heaven, but they still died. Auch wenn das Brot von Himmel kam, sind sie dennoch gestorben, weil da kein Leben war in diesem Brot. Il a dit, verset 49, il a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc, malgré ça venait de leur du ciel, ils sont morts. Et ça ne les a pas, c'était pas la vie. 50. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. He said he himself is the bread. Selbst ist das Brot. From heaven. Vom Himmel. Verset 50. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on mange et qu'on ne meure point. Il parle de lui-même. Lui, il est le pain véritable qui est descendu au ciel. Si tu as Jésus-Christ, tu seras aussi immortel, parce que lui, il est le pain de la vie. So also there are two laws. Genau, da gibt es auch zwei Gesetze vom Himmel. Amen. Two laws from heaven. Zwei Gesetze vom Himmel. Et c'est pour cela aussi, vu que c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a deux. Deux lois qui viennent du royaume des cieux. Romains 8, 2. Talk about Romains 8, 2. In Römer 8, vers 2. In Römer 8, 2. Romains 8, 2. Praise the Lord. Amen. Romains 8, 2. Römer 8, 2. Romains 8, 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Amen. Amen. Both laws are coming from the same place. Zwei Gesetze kommen vom gleichen Ort, vom Himmel, von Gott. The reason why they are finding it difficult to let it go. Deswegen ist es für sie schwer, es loszulassen. Ja, krass. En effet, la loi de l'esprit de la vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Donc malgré tous les deux lois viennent du royaume des cieux, ça a deux résultats. C'est la raison laquelle les gens, les chrétiens, surtout aujourd'hui, ils ont de difficultés de laisser l'ancien pain passer derrière eux, sans la difficulté d'accepter le nouveau pain, parce que même l'ancien, ça vient du royaume des cieux. In verse 2, it called Moses law of bondage. You see this? If you say bondage, you know, he said the law of Christ free us. You until you know, if you are not in bondage, then you don't need freedom. In Vers 2 nannte das Gesetz von Mose eine Gefangenschaft, weil man Befreiung nötig hatte, um dort rauszukommen. Et ici, verset 2, il a dit que la loi de l'esprit en Jésus-Christ a enfranchi de l'a enlevé de la loi du péché et de la mort. Donc, malgré la loi de Moïse venait du royaume des cieux, ici, à Romains 8, 2, il dit que il considère cette loi-là comme la loi du péché et de la mort, malgré ça vient du royaume des cieux. Praise the Lord. But the law of the Spirit of Christ Jesus has made me free. It means I was in bondage. Also ich war in einer Gefangenschaft von Sünde und Tod. Et en effet, il dit que la loi de l'esprit de la vie m'a affranchi en Jésus-Christ. Donc ça signifie que une fois on était dans la captivité à travers la loi de Moïse, mais à travers l'accomplissement de Jésus-Christ, c'est là qu'on est maintenant, on est libéré de la loi de la captivité de la péché du péché de la mort. Praise the Lord. Romains 3 verset 27. So where is boasted then? It is excluded. By what law of works? Nay, by the law of faith. Amen. Two laws. They are both from heaven. Beide aus dem Himmel. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Amen. Il y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus d'obéir la loi, amen, mais c'est de la croire, amen. That Jesus fulfilled the law does not mean it's not God's word. Dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, heißt nicht, dass es nicht Gottes Wort ist. Donc le fait que Jésus-Christ ait a accompli Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber dennoch ist das Gesetz Gottes Wort. Malgré Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, ça signifie pas que la loi ne venait pas de l'Éternel. Amen. Grace is from heaven. Law is from heaven. Das Gesetz ist vom Himmel. Die Gnade ist vom Himmel. La loi, c'est du royaume des cieux, et la grâce, ça vient aussi du royaume des cieux. Amen. One came through Moses, and the other is Christ. Eines kam durch Moses, anderes Christus selbst. Un qui est venu à travers Moïse, et l'autre, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. One came through servant, and the other through son. Eins kam durch einen Knecht und das andere kam durch den Sohn. L'un qui venait d'un servant et l'autre qui vient du fils. Johannes 1:17, da lesen wir das. C'est en Jean 1 verset 17 qui nous le révèle. Amen. Then John 14 verse 6. I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Et lui-même aussi dit que je suis la vie, le chemin et la vérité. Yeah, let's go to Galatians 4. There's something Galates 4. On va lire Galates 4. Amen. Amen. I'm not going to it in 4, but let's go there. Wir gehen da nicht ganz rein, aber dennoch wenn wir uns das anschauen. Galates 4. Verse 1 to 7. 1 bis 7. Galates 4, 1 à 7. Praise the Lord. Hallelujah. He said, now I say that the head, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be Lord of all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Aussi longtemps que l'héritage est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. The law is from heaven. Das Gesetz vom Himmel. It's still there. Ist immer noch da. That Jesus fulfilled it does not mean it's not from heaven. Also, weil Jesus erfüllt hat, heißt nicht, dass es nicht vom Himmel ist. Donc, malgré Jésus-Christ a accompli la loi, ça signifie pas que la loi ne vient pas du royaume des cieux. Verse 2, but it's under tutor and governance until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, we are in bondage under the element of this world. Amen. But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba Father. Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God, through Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. I will not go into there in details, but let's just leave there for now. Amen. Amen. Here on earth, sons means nothing. Hier auf Erden bedeuten Söhne nichts. Ici sur terre, être un fils, ça signifie rien. Amen. Amen. A father and a son are. They are two. Vater und Sohn sind zwei Here Personen, zwei Menschen. Ici sur terre, le fils et le père, oui, sont deux personnes. Amen. Amen. There's a very big difference between a father and a son. That what man calls father and a son, what heaven calls father and a son. Himmel, Vater und Sohn nennt. Donc il y a une grande différence entre ce que le monde appelle père et fils et la différence entre ce que Dieu appelle père et fils. That of here is always they are always two. Das von hier ist immer father zwei. And the son. Vater und Sohn. Celui d'ici, là, c'est toujours deux. And that is what is giving the Muslim big problem. Und das ist ein Problem für Muslime beispielsweise. Ça c'est un grand problème pour les musulmans. Amen. Religion. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And because they never do not for a father and a son. Yeah, these are two people. Vater und Sohn, das sind zwei Leute. Sie verstehen es nicht. Père et fils, c'est toujours deux personnes. Ils ne comprennent pas ça. But once you come to heaven, a father and a son are one. Wenn es um den Himmel geht, sind Vater und Sohn eins. Mais quand il s'agit du royaume des cieux, le Père et le Fils, c'est une personne. Praise the Lord. Amen. Hebrew 1. On va lire Hébreu 1. I will quickly read because of time. Amen. Amen. From verse 2. Hebräer 1, Vers 2. Hebräer 1, Vers 2. But in this day, in these last days, spoken unto us by his son, he said, the Lord spoke unto us by his son. Der Herr sprach zu uns durch seinen Sohn. Dit que l'Éternel nous a, Dieu nous a parlé à travers son fils. By whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the world. You see that? Amen. Verse 3. Donc il a établi l'héritage de toutes ces choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power. When he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Verse 4. Being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. No, some people still pray in the name of different angels. Hey, Leute beten immer noch im Namen von verschiedenen Engeln. Amen. Verse 5. For unto which of the angels said he at any time, that art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Verse 6. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, And let all the angels of God worship him. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. And of the angels he said, who made his angels spirit? And his minister a flame of fire. And unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. A sceptre of righteousness is the sceptre of your kingdom. Thou have loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even your God, praise the Lord. God called him God. God, even your God. Donc, verset 9, tu as aimé la justice et haï l'inquiétude. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Donc, Dieu a appelé son fils, ô Dieu, ton Dieu, toi, t'a oint. Amen. Amen. Even your God had anointed thee with the oil of gladness above your fellows. And thou, Lord, in the beginning, had laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. They shall perish, thou shalt remain it, and they shall all wax old, and doth as doth a garment. Verse 12. And as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. Amen. But to whom of the angels said he, at any time, sit on my right hand until I make the enemy the footstool? Are they not all ministers, ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. This very place is very, very serious. Ja, diese Stelle hier ist sehr ernst und sehr wichtig. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Son is greater than any angel. Der Sohn ist größer als jeder Engel, sagt der Herr. Donc ici, l'Éternel nous fait voir que le Fils est plus grand que chaque ange. It means you are greater than any angel. Wir sind größer als die Engel. Ça signifie que nous sommes plus grands que tous les anges. No wonder he said you are the one going to judge them. Kein Wunder, dass er sagt, wir werden über sie richten. Et c'est pour cela il nous dit aussi qu'il nous fait comprendre qu'on va être les gens qui vont juger les anges. In Christ's kingdom, a son and a father are one. You can see God calling him God. Im Königreich God ist one. Es, sind Vater und Sohn eins. Kein Wunder, dass Gott ihn Gott genannt hat. Et tu peux voir que dans le royaume des cieux, le Fils et le Père sont un. Et c'est pour cela le Père dit aussi, appelle aussi le Fils Dieu. And that's why never see yourself and Jesus Christ too. Dich und Jesus niemals als zwei, ihr seid eins. Et c'est pour cela ne te vois jamais avec Jésus-Christ comme deux personnes, mais vois Jésus-Christ avec, et toi, vous êtes une personne. Tu dois le considérer comme ça. Under law, you can never see yourself one. Unter dem Gesetz kannst du dich niemals als eins sehen. Sous la loi, tu peux jamais te voir un avec Jésus-Christ. Under law, you will see yourself and Jesus Christ too. Wirst du dich und Jesus als zwei Personen sehen. Sous la loi, tu vas te voir avec Jésus-Christ comme une seule, deux personnes. Because under law, you will be seeing what you are doing. Aus dem Gesetz siehst du das, was different from what he did. Ist anders als das, was Jesus für uns getan hat. Sous la loi, tu vas voir ce que toi tu as fait avec ce que lui il fait. Tu vas le voir comme deux choses différentes. Under grace, what belongs to the Father belongs to the Son. Unter Gnade, das was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Et sous la loi, ce qui appartient au Père, ça t'appartient aussi. Remember the prodigal son. Erinnere an den verlorenen Sohn. Rappelle-toi du fils prodige. He said, what belongs to me belongs to you. That was what the Father said to that young man. Er zu dem Remember it. Amen. Luke 15 from verse 25. To the end. Lukas 15 lesen wir das. Er hat zu dem Bruder des verlorenen Sohnes gesagt, das was mir gehört, gehört dir. Deswegen brauchst du nicht neidisch zu sein auf deinen Bruder. Le père du fils prodige a dit à l'autre fils que tout ce qui appartient à moi et même à ton frère, ça t'appartient aussi parce que nous sommes, oui, Ah, parce que je suis ton père. Et Amen. Ça, Amen. Il nous dit aussi aujourd'hui. Again, two commandments from heaven. Zwei Gebote von Himmel. Donc, deux commandements du royaume des Amen. Cieux. Amen. Law means commandments. Gesetz means the word Gebote, of God. Das Wort Gottes. Mm. Donc, la loi, c'est le commandement qui est venu de Moïse. One is bondage and the other one is freedom. Das andere ist Freiheit. L'un de, also un qui est la captivité et le deuxième qui est la liberté. The law is coming from heaven, but it's bondage. Das Gesetz kommt vom Himmel. And grace is coming from heaven, it's freedom. Das Gesetz kommt vom Himmel, aber dennoch ist Gefangenschaft. Die Gnade kommt vom Himmel, aber das ist Freiheit. Amen. La loi vient du royaume des cieux, mais c'est une captivité. Mm. Mais la grâce vient du royaume des cieux et ça, c'est la vie. Praise the Lord. Alléluia. Galatians again, please. Galata. Quickly go there. Galatians 4. Galatians 4. Praise the Lord. Alléluia. Galates 4, 3 et 9. Galates 4, 3 et 9. Amen. It says, even so we, when we were children, we are in bondage under the element of this world. We were once in bondage. Are you getting it? Under the element of this world. Okay. This world, the laws of God control this world. Though it's from heaven, but it's bondage. Es ist vom Himmel, aber dennoch ist es Gefangenschaft. Il dit ici qu'on était une fois esclave de la loi, mais maintenant nous sommes vraiment en liberté. You can see it is what people the whole world follows today. If you kill, they will put you to court. You can see it. It's the law of God is coming from heaven. But it is not freedom. Es ist das, wonach die Welt lebt. Ihre Gesetze sind darauf gegründet, wenn du mordest, wenn du stiehlst, gibt es dafür eine Bestrafung. Aber dennoch ist, auch wenn es vom Himmel kommt, ist es dennoch nicht Errettung. Es ist nicht Freiheit, Befreiung. Donc tu peux voir quand même ce monde ici est basé ou bien est basé sur la loi qui vient de la qui vient du royaume des cieux. Donc il faut pas tuer, il faut pas voler, des histoires comme ça. Mais c'est toujours la captivité. Amen. Amen. Call it the, he said under the elements of this world because that is the system of this world. Unter den Grundsätzen dieser Welt, weil das ist das System, nach dem diese Welt funktioniert hier. Donc, il dit ici de même nous aussi, quand nous étions enfants, nous étions sous esclaves de la rudimension du monde. Donc, oui, c'est ça. Verse 9, please. Et maintenant, verset 9. He said, but now, after that, you have no God, or rather, are known of God. How turn ye again to the weak? A beggarly element. We are unto you desire again to be in bondage. Praise the Lord. Mais Amen. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces pauvres et faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore? Amen. Remember 2 Corinthians. 4:4. It said the God of this world blinded. Erlöch in 2. Korinther 4:4 steht, dass der Gott dieser Weltzeit sie verblendet hat. Rappelez-vous de 2 Corinthiens 4:4. Il dit que le monde, le Dieu de ce monde les a aveuglés. And 2 Corinthians 3. Let's go to this very one. 2 Corinthians 3. Et on va maintenant lire 2 Corinthiens 3. Talks about also blinded. Geht's auch um Blindheit. Là, il parle aussi de l'aveuglement. Said the law is blindness. Der Herr ist Blindheit. The law. Das Gesetz. Ach so, objective. Das Gesetz ist Verblendung. Il dit que la loi est l'aveuglement. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 3. 2. Korinther 3. From 13. Vers 13 bis 16. Vers 13 bis 16. Amen. And not as Moses, which pulled a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the readiness of the oath Testament, which then is done away in Christ. Through Christ, that's how the vein can get out. If not, Christus ist diese Decke weg. Sonst bist du für immer in der Verblendung. Il dit ici, parce que, car juste, verset 14, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il est levé. Amen. Through humility unto Christ. Durch Demut. Quand tu es en train de t'humilier devant Jésus-Christ, c'est comme ça que la voile de l'aveuglement descend de tes yeux. Parce qu'il veut que tu puisses être son bébé. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Under God, you know, grace is full of humility. Gnade ist voll von Demut. La grâce est pleine d'humilité. Law is full of pride. Das Gesetz ist voll von Stolz. La loi vient est plein du cri de l'orgueil. Amen. Amen. If you are full of pride, you are under law. Wir voll sind von Stolz unter dem Gesetz. Et si tu es plein d'orgueil, tu es sous la loi. You are full of humility unto Christ Jesus. Demut gegenüber Christus, nicht gegenüber Menschen. Dann bist du in der Gnade. Et si tu es tu es humble selon les devant l'Éternel, pas devant l'être humain, c'est là que tu es sous la grâce. Verse 15. It says, but even until this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Praise the Lord. Amen. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Without Christ, ohne Christus, without them submitting to Christ, wenn sich Christus nicht hingeben, there's nothing that can be done. Kann nichts getan werden. Es ist krass. Verset 15 nous dit aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile est entendu, étendu sur leur cœur. Amen. Moses' law is blindness. Das Gesetz von Moses, Verblendung. La loi de Moïse est vraiment l'aveuglement. I hope this will help those that are asking questions concerning the Ten Commandments. Ich hoffe, das hilft auch denen, die Fragen über die Zehn Gebote stellen. Et ça, j'espère que ça aide les gens qui sont en train de chanter, de poser des questions. Listen to it again and again concernant and get it. Les Dix Commandements. Sie sollen sich die Botschaft nochmal und nochmal anhören, dann werden sie es besser verstehen. Ils doivent lire ce message encore plusieurs fois et pour le comprendre. The whole religion is blindness. Ganze Religion ist Verblendung. Toute la religion vraiment est vraiment l'aveuglement. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The blindness, this very blindness is the problem of Christianity. Diese Verblendung ist das Problem des Christentums heute. Et cet aveuglement, c'est le problème du christianisme aujourd'hui.